Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la période du 23 juin au 6 juillet 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Vous savez, tout l'été, on fait francophone une semaine, anglophone l'autre semaine. Et cette fois-ci, ben, c'est du francophone qu'on va faire. On va entendre une majorité, disons, du top 20 francophone. La semaine passée, notre numéro 1, c'était Nuit Blanche de Mange, l'ours mange. On va savoir si c'est la fin de l'émission dans une heure environ, si c'est toujours au sommet. Mais on va commencer l'émission avec 4 nouvelles entrées. Oui, pas une, pas deux, pas trois, mais 4, c'est quand même pas mal pour l'été. Plus tard, on va entendre La Bronze, le retour de Mordicus et de Radio Radio, mais avant ça, une nouvelle entrée d'une formation que je ne connais pas, Amor Blitz. Voici ma plus belle psychose. Au parleur assez fou. Vacation, hop

17. Nouvelle entrée. Bloc de quatre nouvelles entrées dans les palmarès. C'est fou, on vient d'entendre La Bronze et La Jeunesse Féline sur l'album La Bronze. À La Bronze, qui est un groupe de chansons rock-pop à paillettes, un songe fluorescent où tu veux passer toute la nuit, disent-ils sur leur Facebook. Ce genre de pop, un petit peu underground indie, mais en même temps, c'est comme borderline un petit peu, entre les deux. C'est au printemps 2014 que paraîtra le premier opus de la Bronze, oui, dont Sébastien Blais, mon petit, qui travaille avec Radio, DJ Champion, Caracol, signe la réalisation. Allez voir leur Facebook, c'est La Bronze Musique. Avant ça, en position numéro 18, on a entendu Mordicus et un autre extrait pour leur album Cri Primal, celui-là s'appelle Oh Maman. En 19e place, c'est Radio, le troisième extrait de Hush Feel Zoo. On a eu Fifty Shades of Beige avant ça et Hush Feel Zoo en premier lieu. Celle-ci s'appelle Holiday et on a débuté le bloc avec Amor Blitz et Ma Plus Belle Psychose sur leur maxi EP001. Eux, à Amor Blitz, on les retrouve aussi sur Facebook et sont super intéressants. Amor Blitz, amorblitz.bandcamp.com. On a accueilli quatre nouvelles entrées du côté franco. La semaine prochaine, on accueillera quatre nouvelles entrées du côté anglophone. Donc, ça fait 8 pièces. Et quand on accueille 8 pièces, on doit dire au revoir à 8 pièces. Et là, ça va être difficile cette semaine parce que c'est une grosse... une purge, comme on dit. Donc, voici Palm Rest in Peace au palmarès. C'est fou.

Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. 13. Et noir foncé, position numéro 12. Francophone, ça monte de 6 places, c'est nouveau la semaine passée. Avant d'en sauter par-dessus, Philippe B, ornithologie, qui descend de 2 places. Avant ça, on a entendu Nicolet avec Centre, qui descend de 4 places. Avant ça, on a sauté Dogwave et Alexandre Desilets, on l'a dit tantôt. Parlant de sauter, on saute par-dessus Ariel, encore une fois, en 11e place. 6e semaine de présence pour l'art de la dose sur l'album Fauve. On va entendre, par contre, les positions 10 et 9. Du côté de la 9e, c'est Canaille, avec Marathon qui est stable. Mais avant ça, elle monte de la moitié du palmarès, c'était nouveau la semaine passée. T'aurais pas pu nous prendre à deux de Philippe Braque qui monte en 10e. Franco, t'aurais pas pu nous prendre à deux. T'aurais pas pu. Fait qu'on le fait pas. C'est pour ça que je suis seul à l'animation des palmarès, c'est fou. Ouais. Tous les étés qui ont grisé nos têtes, toutes les oies qui ont creusé nos yeux, toutes les disputes qui ont croisé nos fêtes, toutes les prières qui ont trouvé nos voeux, ne pourront plus jamais servir de

son de Canaille en position numéro 9 stable. Avant ça, on a entendu Philippe Braque, que je commence à apprécier tranquillement pas vite, avec T'aurais pas pu nous prendre à deux. C'est la 10e position franco sur l'album La Foire et l'Ordre. On saute par-dessus Jacques Maure avec Père Épi en position numéro 8. Je sais qu'on la saute souvent, mais commence à être vieille là, quand même cette semaine pour cette pièce de l'album La Montagne de Feu. On va l'entendre les 6 et 7. On a le temps encore avant de passer au top 3. Donc Caravane, tantôt avec Minuit qui monte de deux places, mais avant ça, elle descend de 5. Et voici Carré Cudon et notre propre roulette russe. Au Palmarès, c'est fou, sur les 89 FM. Thank you. que j'ai fait minuit. J'suis un homme. Tu dois me laisser payer mes dettes minuit. Caravane et la pièce Minuit en position numéro 6 francophone, ça monte de 2 places au palmarès, c'est fou. On est déjà rendu au top 3, ben oui, donc on saute par-dessus la 5e place, Mange l'ours mange avec Nuit blanche, l'ancien numéro 1. Et en 4e place, ça monte de 3 dans nos cœurs de Clément Jacques, les deux ont respectivement 7 et 6 semaines de présence. Dans le top 3, évidemment, le numéro 1, je vous le dis pas, mais en 2e place, je peux vous révéler que c'est Fanny Bloom qui a monté de la 19e place avec son excellente nouvelle pièce Piscine. Par contre, avançant en 3e, tout aussi excellent, tellement que c'est bon, c'est excellent. Je sais pas trop, je sais pas ce que ça veut dire. C'est Forcé ou quitter de Fontarabie, c'est tellement bon ça, ou pas mal, c'est fou. 89.1 FM. Oh, Position. On a les mêmes guns. fin faut rester muet. Des cravings de fun. La bête n'a pas de chance ce soir. Le braconnier sait y voir. La bête a trop perdu de sang. Le mien reste froid. C'était la top 3 du côté francophone pour la période du 23 juin au 6 juillet 2014. On a débuté avec Fontarabie et Forcé au quitté qui est stable en troisième place. En deuxième, ça monte de 17 piscines de Fanny Bloom. Et finalement, on vient d'entendre en première place un saut de 4 places vers le haut pour Pandaillon et le tune de chasse sur l'album À chacun son gibier. Voilà pour le palmarès francophone. La semaine prochaine, on fera évidemment le côté anglophone. On est en direct tous les jeudis entre 14h et 15h. Après nous, c'est Assemblage requis. Ensuite, les samedis entre midi avec Assemblage requis et 15h. Après ça, le palmarès est fou. Puis après ça, 17h, le voyage est vite. C'est un peu mêlant. Et le lundi, finalement, 14h, assemblage requis. 17h, les palmarès c'est fou. Et à partir du 30 juin, donc lundi juste là, celui que vous écoutez si vous êtes lundi, hein, ce sera la première des palmarès du monde. En fait, c'est le palmarès du monde avec David Ferron. Ça débute à 18h dans quelques instants. Voilà. On se quitte avec l'ancien numéro 1 de la semaine passée qu'on a sauté tantôt. C'est Nuit Blanche de Mange l'ours mange. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye! C'est dur pour le physique, j'ai toujours le problème. Je ne veux jamais arrêter, c'est magnifique quand même. Surtout pendant l'été, on a toujours des fêtes avec des invités. Ils ne pensent jamais arrêter, ils veulent toujours continuer. Après c'est tellement grave, les gens le regrettent. C'est comme les marécages, lentement tu vas avancer. Tous les jours des fêtes, oui c'est excentrique. Je dis vive la fête pour être héroïque. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tout le monde est fatigué. C'était très amusant et les gens ils veulent rester. Ils n'aiment pas le potage, ils n'aiment pas le café. Ils ne pensent jamais arrêter, ils veulent toujours continuer. Après c'est tellement grave, les gens le regrettent. C'est comme les marécages, l'enfant tu vas avancer. Et moi j'ai pris ma tête dans mes mains et j'ai pensé. Pourquoi j'ai fait cette fête pour tous ces invités? Tous les jours des fêtes, oui c'était.